Bonsoir à toutes et à tous, il est tout juste 20h en temps universel et à Bamako, 21h à Paris. Adrien Delgrange. Place à votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. 3 février, à la une de cette édition, tout d'abord l'Italie, où Mario Draghi a la responsabilité de former un gouvernement. L'ex-chef de la Banque Centrale Européenne a été choisi par le président italien, le président Mattarella, pour choisir des ministres. Mission pandémie, c'est le nom donné à un avion allemand avec à son bord médecin et infirmier. Il a décollé aujourd'hui de Berlin, direction Lisbonne, pour aider les Portugais à lutter contre le coronavirus. Également dans ce journal, quand un message d'une chanteuse américaine connue mondialement parle à des agriculteurs indiens, eh bien ce message, il déchaîne les passions sur Internet. Explication à suivre. Et puis le football, Adrien, qui rejoindra le Mali en finale du CHAN, le Cameroun ou le Maroc, les Lions de l'Atlas mènent 2-0 à la fin de la première mi-temps. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Les journaux. Le journal. En français facile. En français facile.